Bonjour à tous et bienvenue sur Agro J'écoute, l'émission qui sensibilise sur les grandes questions du monde agricole et de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, nous sommes trois étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan, en cinquième année, en option transition agroécologique. Donc il y a Jean-Roch. Bonjour. Charlotte. Bonjour. Et moi-même, Mathilde. Donc on a choisi aujourd'hui de vous parler d'un sujet autour des sciences sociales qui a pour titre « Agriculteur ou paysan, le poids de l'histoire ». En fait, on a choisi ce sujet parce que par nos études et nos rencontres personnelles, on a pris connaissance de certains chiffres effroyables et on pensait que tout le monde devrait en avoir conscience. Donc par exemple, entre 2010 et 2020, 100 000 exploitations agricoles ont disparu en France. Autre chiffre dramatique, tous les deux jours, un agriculteur se suicide en France. Alors, à ce rythme, peut-on considérer que nos agriculteurs deviennent une espèce en voie de disparition ? L'agroécologie. On m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est. McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. Agro J'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro J'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan. L'agriculture est souvent controversée par le grand public, mais connaissons-nous vraiment ce domaine ? La compréhension des mots pourrait être un premier pas vers la connaissance de ce milieu. L'usage des termes paysan ou agriculteur est d'ailleurs directement lié à l'histoire et à l'évolution de notre pays. Il faut avoir conscience que les grandes révolutions agricoles ont toujours été dictées par des besoins politiques et non par des choix personnels des acteurs du monde agricole. Par exemple, aujourd'hui, on a tous pris conscience de l'importance de nos acteurs du monde agricole, avec le Covid par exemple, et pourtant, en parallèle, on a la montée de l'agribashing. Alors comment faire parmi toutes ces contradictions ? Pour cette émission, on a souhaité en fait remodeler l'histoire de l'agriculture et les dénominations employées. Pour cela, nous avons traité des termes agriculteur ou paysan et l'impact de l'histoire. Concrètement, on a investigué auprès de trois groupes de personnes, donc des personnes n'ayant aucun lien avéré avec le monde agricole, des acteurs du monde agricole, et nous avons invité M. Hannes, qui va nous répondre au téléphone, enseignant-chercheur en sciences sociales et particulièrement intéressé par le sujet. Pour illustrer un peu nos propos, on a mené notre petite enquête et on a souhaité interroger des personnes non issues du monde agricole, qui n'avaient en fait aucun lien avec le monde agricole, et on leur a demandé s'ils faisaient une différence entre le terme paysan et agriculteur. Voilà ce qu'ils nous ont répondu. Pour moi, c'est la même chose. Un paysan, c'était plutôt la dénomination d'avant, alors qu'un agriculteur, c'est le paysan moderne, quoi. Le paysan a une plus petite exploitation et qui vivrait sur place. Le paysan est quelqu'un qui vit à la campagne, tandis que l'agriculteur, il peut vivre à la campagne, mais surtout, il cultive la terre dans le but de la rentabiliser. Pour moi, un paysan, c'est quelqu'un qui habite en milieu rural, qui parfois peut cultiver sa terre, mais c'est toujours à des fins personnelles. Alors qu'un agriculteur, c'est quelqu'un qui travaille en milieu rural, à des fins professionnelles. Juste pour moi, le paysan, c'est peut-être quelqu'un qui est plus dans la terre et dans cultiver la terre, alors que l'agriculteur, ça peut être à la fois la terre, mais ça peut être aussi les animaux. Le paysan, c'est une personne qui vit en campagne. Et l'agriculteur, pour moi, représente directement le métier, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans les champs ou qui travaille directement le sol. Selon moi, un paysan est quelqu'un qui exploite sa propriété pour sa consommation personnelle ou pour vendre localement. C'est aussi une condition sociale opposée à quelqu'un qui vit en ville. Un agriculteur, par contre, est un exploitant agricole qui fait des bénéfices plus ou moins importants. Le paysan renvoie à une connotation un petit peu plus de la campagne et l'agriculteur, ça me ferait plus penser au métier. Pour moi, un paysan, c'est quelqu'un du pays, alors que l'agriculteur, c'est quelqu'un qui va travailler avec les nouvelles machines industrielles, les nouveaux tracteurs. Donc on peut entendre à travers ces témoignages que le terme paysan, il est souvent rattaché au lieu de vie, au rapport à la terre. Alors que le terme agriculteur, il fait plutôt réagir autour de la rentabilité, du bénéfice, hein, et c'est une notion qui est plus assimilée à un métier. On retrouve un peu une contradiction entre ces deux termes, entre un rapport de taille et d'époque. L'agriculteur, c'est plus lié à des grandes exploitations avec des méthodes modernes, alors que le paysan, on va retrouver le côté plus local avec des méthodes qu'on pourrait qualifier de l'ancien temps. Donc, On l'a demandé à 3 agriculteurs s'ils se considéraient eux-mêmes paysans ou agriculteurs. Et voici ce qu'ils nous ont répondu. Moi, c'est plutôt paysan parce que agriculteur, pour moi, c'est plutôt une catégorie de métier, quoi. Quand on est agriculteur ou on est mécano ou on est assistante sociale, ou voilà. Le paysan, c'est plus quelque chose de plus général. L'origine du mot paysan, c'est des gens qui font le pays, donc qui habitent le pays et qui participent aussi à l'entretien du paysage. Et aussi, la paysannerie, c'est un peu comme une communauté aussi qui recherche surtout une autonomie. C'est surtout ça qui me plaît, moi, dans le paysan. Je me considère, j'aurais tendance à dire agriculteur, parce que paysan, on fait un peu référence aux anciennes générations, il y a de nombreuses années, voire une décennie. Alors, moi, je me considère plus paysan, parce que pour moi, l'agriculteur, c'est celui qui travaille la terre, et le paysan, c'est celui qui travaille avec la terre. Donc parmi ces 3 témoignages, on a 2 personnes qui se catégorisent plus en tant que paysans. Et on retrouve dans leur réponse cette idée de rapport à la terre toujours, et on a la notion de paysage qui est importante pour eux. Ils ne veulent pas simplement être classés dans le métier d'agriculteur, car dans ce terme, ils ne retrouvent pas toutes les valeurs de leur mode de vie. Alors que l'autre personne qui se considère, lui, agriculteur, il ne veut pas être associé à quelque chose d'ancien, de passé. Il veut plus être dans l'instant présent. Donc merci Jean-Roch. Donc après avoir entendu tous ces enregistrements, on se rend bien compte que finalement le sens de ces mots ne s'arrête pas à une seule et unique définition. Mais on va quand même se poser la question, comment faire la différence entre un agriculteur et un paysan? Donc on a fait quelques petites recherches et on s'est rendu compte que la question n'était pas si simple. Et que ces termes agriculteur et paysan sont directement liés à l'histoire. Et en plus, ils ont beaucoup évolué au fil du temps. En plus de ça, leur interprétation reste plus ou moins subjective par rapport au contexte et aussi à la personne qui utilise ces termes. Donc pour les comprendre, il faut connaître l'histoire qui a construit notre agriculture actuelle. Tout d'abord au XVIIIe siècle, donc on est dans un monde de paysans qui prédomine la société française. En 1789, donc date de la Révolution française, 67% de la population vit de l'agriculture. À cette époque, on parle bien de paysans. Paysans, on s'est un peu renseigné, donc ça vient de l'adjectif latin, pagensis, qui qualifie celui qui habite à la campagne et qui cultive la terre. Il est aussi à l'origine du terme pays. Ensuite, donc on arrive au début du XXe siècle. Là, on a une première diminution de la population vivant de l'agriculture. C'est vrai qu'avec l'arrivée en force du secteur industriel, l'agriculture n'est plus la seule source de production. Donc ensuite vient la période des Trente Glorieuses. Donc à cette période, seulement 15% de la population vit de l'agriculture. On est à la sortie de la guerre, donc il faut pouvoir nourrir toute la population. Donc c'est là où l'agriculture se modernise, la chimie arrive, donc avec par exemple les produits phytosanitaires pour augmenter les rendements et pouvoir nourrir toute la population. À ce moment, les scientifiques et les politiques construisent une opposition entre les deux termes, agriculteur et paysan. Donc agriculteur, on est plutôt agriculteur fait plutôt référence à la modernité et paysan à la tradition. On parle aussi à cette époque, on disait on naissait paysan et on devenait agriculteur. L'agriculteur est plus vu comme un métier plus professionnalisant qu'un paysan. On entre dans un monde de marchands où les échanges se font entre intermédiaires et plus entre pairs, par exemple. En plus, certains acteurs du monde agricole eux-mêmes ont rejeté le terme paysan. C'est vrai qu'à cette période, ce terme commence à être fortement dévalorisé par les citoyens et les politiques. On pouvait même entendre des insultes comme cutéreux ou plouc. Et ils se sont plus retrouvés dans les termes agriculteurs ou encore chefs d'exploitation. Donc finalement, une dualité se crée entre les agriculteurs dont le modèle est plus spécialisé et intensif, face aux exploitants plus petits, plus réactifs en polyculture et en polyélevage. J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'envoie en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. Je troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Ras-le-bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Dans les grosses grosse boîte que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Feu rouge dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirais l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine, chargée en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Nous venons d'écouter Ridan, l'agriculteur. Vous êtes sur Campus FM, paysan ou agriculteur, le poids de l'histoire. Après l'explication de Charlotte, aujourd'hui, nous pouvons demander qu'est-ce qu'il en est de la situation. L'agriculture, aujourd'hui, elle est présente dans de nombreux débats publics. Et elle est souvent montrée du doigt par les consommateurs qui sont de plus en plus attentifs à ce qu'ils mettent dans leur assiette. En 2016, on voit apparaître le terme « agribashing » sur Twitter, notamment. C'est un terme qui désigne une critique du monde agricole intensif. Mais selon la FNSEA, qui est le principal syndicat agricole en France, cette critique peut s'étendre à tous les secteurs du monde agricole. Donc, suite à cette montée de l'agribashing les dernières années, nous avons souhaité connaître la vision de la population sur les acteurs du monde agricole. Et nous leur avons donc demandé quelle était leur vision de l'agriculture et des agriculteurs en France. Qui est peut-être un métier de passion. Le vieux monsieur qui a un chapeau de paille. Essentiel, puisqu'ils nous nourrissent. Un métier qui est assez masculin. Nouveau agriculteur, pensant plus à des questions comme l'écologie, des gens passionnés. Le profit est plus important que la qualité ou le respect de l'environnement et des animaux. Personne simple. Pas assez reconnue à sa juste valeur. Beau métier. C'est une personne essentielle à la société. L'exclusion et la solitude. Une salopette, des bottes en caoutchouc, un chapeau de paille. Et limite les pieds de maïs dans la bouche. Qui permet de vivre, tout simplement. Un peu rémunérateur. C'est un métier de passionné qui a permis de nous faire manger à l'époque, de nous faire manger aujourd'hui et qui nous fera manger plus tard. L'amour est dans le pré, quoi. Donc au premier abord, on peut remarquer une vision caricaturale un peu des agriculteurs. On peut entendre salopette, bottes, chapeau de paille. Et c'est sans doute lié à une certaine méconnaissance du milieu, parce qu'on peut entendre un épi de maïs dans la bouche. Bon, je vous mets au défi de mettre un épi de maïs dans votre bouche. On peut pas, c'est trop volumineux. Mais on a aussi des notions comme le profit qui reviennent, qui est mis en avant par rapport aux autres aspects comme la qualité, le respect de l'environnement ou le bien-être des animaux. Mais on a tout de même une conscience des problèmes actuels de l'agriculture, notamment la rémunération, la solitude et la reconnaissance. Mais on a quand même le mot passion qui revient assez souvent, que c'est un métier de passionné et que l'agriculture est faite pour nourrir la population, qui est quand même le but premier. Donc nous avons souhaité faire réagir les agriculteurs que nous avons interrogés à ces témoignages et nous avons souhaité connaître l'avis de nos agriculteurs sur le regard, selon eux, que porte la population sur eux. Alors selon moi, la vision qu'ont les gens, enfin la majorité des gens, des agriculteurs, en sachant que déjà il y a 80% des gens qui vivent en ville en France, je trouve que, enfin, et dans les médias en tout cas, tout ce qui est montré c'est plutôt qu'on est un peu des bouseux, des pollueurs, en fait au final nous concrètement on n'existe pas, quoi. Alors que sans nous tous ces gens là pourraient pas vivre en ville, donc c'est assez marrant. Et après, y a une grosse minorité un peu extrémiste, les écologistes, les vegans et tout. Là, Là, on est carrément des tueurs parce que ben on élève des bêtes pour leur donner la mort. Voilà, ça va vraiment à l'extrême. Après, je pense quand même qu'il y a quand même des gens, de toute façon, la majorité des gens qui, en France, ils sont issus de paysannerie, ils sont conscients aussi que les paysans, c'est des bosseurs, c'est des gens qui se donnent, sans qui tous les autres ne pourraient pas faire le métier qu'ils font, puisque c'est la base, quoi. Voilà. Voilà, c'est difficile de répondre avec certitude. Au jour d'aujourd'hui, ce serait plutôt un sentiment d'incompréhension de cette population, dans le sens qu'on a été très exposé médiatiquement par des minorités de personnes qui ont fait beaucoup d'agribashing. Et donc, les personnes reprennent un peu leur position. Donc, j'aurais tendance à dire qu'on est mal perçu sur nos pratiques. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport à ces pratiques, nous n'avons aucune autre solution. Je pense que les gens ont une vision erronée du métier de paysan parce qu'ils nous voient pas. Ils nous voient que sur la route quand on les emmerde parce qu'on est un tracteur et qu'on roule pas vite. Mais ils nous voient pas au travail, ils voient pas ce qu'on fait derrière. Et voilà, du coup, ils ont une vision fausse du métier, fausse de la vie qu'on mène, et c'est dommage. C'est dommage. Donc pour eux, ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Et la majorité des personnes, ils ont une vision de l'agriculture que celle qui est retransmise par les médias et qui ne leur convient pas. C'est souvent selon une vision un peu péjorative. D'ailleurs, sur ça, il y a une étude qui est sortie en février 2021 de l'Observatoire Amaroc, qui base ses retours sur les agriculteurs du département de la Saône-et-Loire. Mais on peut retransmettre ces résultats à l'ensemble du territoire. La situation est la même partout. Lorsqu'ils entendent parler de leur métier par les médias, 54% des agriculteurs ressentent de la déception et de l'incompréhension. Et même 11% d'entre eux de la colère vis-à-vis de cette vision retransmise par les médias. 40% des agriculteurs interrogés ont vécu des situations de harcèlement lors du dernier mois qui a suivi cette étude en février 2021, je le rappelle. Et des critiques permanentes, ça peut être des fausses rumeurs, des jugements blessants ou injustes. Et 20% d'entre eux indiquent qu'ils y sont confrontés tous les jours. Donc c'est quelque chose qui pèse sur ce métier d'agriculteur ou de paysan. Et il convient de noter que pour 52% de ces agriculteurs, la pression qu'ils subissent le plus vient pour eux des médias et de la presse, avant les ONG de protection de l'environnement qui n'arrivent qu'en troisième position. D'après le ministère de l'Intérieur, il y a le nombre de dégradations ou d'intrusions au sein d'exploitations agricoles est en augmentation. En 2019, il y a eu 49 introductions ou dégradations dans des exploitations agricoles à des fins idéologiques, qui ont fait l'objet d'une enquête par la suite. Donc tous ces points et les résultats de l'étude aboutissent au fait que les exploitants agricoles qui reçoivent des critiques permanentes à propos de leur travail, ils ont un risque de burn-out et malheureusement de suicide qui est significativement plus élevé que les personnes qui n'y sont pas confrontées. Donc nous avons donc appris que les termes paysan et agriculteur sont directement liés à l'histoire de l'agriculture et son évolution. Donc je récapitule, le paysan représentait plutôt une situation d'avant, liée au lieu de vie et à la famille. Et l'agriculteur, lui, désigne plutôt le métier qui a pour but de produire. Pourtant, de nos jours, le terme de paysan revient sur le devant de la scène. Et on se demandait qui sont nos paysans d'aujourd'hui. Donc pour répondre à cette question, nous avons M. Alexis Hannes au téléphone, un enseignant-chercheur de l'école d'ingénieurs de Purpan. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous laisse vous présenter rapidement. Oui, bien sûr. Vous l'avez dit, je suis Alexis Hannes, je suis enseignant-chercheur en sociologie à l'école d'ingénieurs de Purpan et je suis également membre du laboratoire de recherche LIST Dynamique Rurale, qui est un laboratoire CNRS situé à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Du coup, on aurait aimé avoir votre avis sur la question. Pourquoi, à votre avis, il est important de se nommer pour les acteurs du monde agricole ? Cette façon de se nommer par les acteurs du monde agricole, déjà, elle n'est pas spécifique aux acteurs du monde agricole. C'est-à-dire que, dans notre quotidien, en tant qu'être humain, on passe notre temps à se nommer, à se catégoriser, juste pour, pour essayer de d'exprimer un peu notre rapport au monde, comment est-ce qu'on se situe dans le monde. Et en fait, c'est la même chose dans le monde agricole, parce que le monde agricole, c'est un monde social à part entière. Et en fait, on va retrouver aussi des façons de se nommer, de se catégoriser. Alors, c'est vrai que là, l'émission, elle parle de agriculteurs, paysans, mais on va retrouver des personnes qui se nomment agriculteurs, paysans, paysannes, éleveurs, exploitants, chefs d'entreprise, etc. Et en fait, pour les individus, ces façons de se nommer, de se présenter, alors à soi-même, mais aussi aux autres, ça renvoie à des façons, à des conceptions du métier, à des façons de pratiquer le métier, à des visions de ce métier. Donc, en gros, ça renvoie à des pratiques et des représentations. Et donc, ça permet aux gens de s'identifier, de dire qui ils sont et comment est-ce qu'ils perçoivent leur travail. Aujourd'hui, selon vous, qui c'est qui se nomme paysan ou paysanne et quelles en sont les raisons? C'est vrai qu'aujourd'hui, et vous l'avez dit là en fin d'intervention, c'est vrai que même si le terme paysan, il est relié un peu historiquement au passé, en fait, on retrouve aujourd'hui et on retrouve des personnes, donc des personnes, des professionnels de l'agriculture, qui se nomment paysans ou paysannes. Et alors, c'est pas facile forcément de répondre à cette question parce que, comme vous l'avez également mentionné, en fait, c'est des façons subjectives de se nommer et il n'existe pas un questionnaire général ou même au niveau du recensement général agricole, on ne demande pas aux personnes comment est-ce qu'elles se nomment. Mais en tout cas, voilà, il se trouve qu'il y a des personnes qui revendiquent ce terme-là. Et alors aujourd'hui, on va retrouver beaucoup, par exemple, de nouveaux installés en agriculture. Alors, on remarque qu'il y a des travaux de recherche qui vont montrer que des personnes qui ne viennent pas forcément du monde agricole et qui s'installent dans l'agriculture aujourd'hui vont revendiquer le terme de paysan ou de paysanne. Mais après, on a également des personnes qui le revendiquent et qui le revendiquent même des personnes qui ont des exploitations familiales, hein, qui le revendiquent depuis plusieurs générations. Il y a des personnes qui n'ont jamais vraiment accepté le terme d'agriculteur ou d'exploitant et qui ont toujours revendiqué ce terme paysan. Donc, on a à la fois des personnes qui sont ancrées dans la profession depuis plusieurs générations, qui le revendiquent en s'opposant à au terme agriculteur ou terme exploitant, et des nouvelles personnes qui arrivent aujourd'hui dans l'agriculture et qui préfèrent ce terme-là pour parler de leur travail, de leur quotidien, de leur vie. Mais du coup, est-ce qu'ils mettent derrière le terme paysan, tous les gens qui se revendiquent en tant que paysan, est-ce qu'ils mettent les mêmes valeurs derrière, vous pensez? Pas forcément, et c'était intéressant de voir... pas forcément encore, je veux dire oui et non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse, malheureusement, c'est pas manichéen. En fait, c'était intéressant de voir les témoignages que vous aviez, parce qu'on voit bien que dans ces témoignages-là, alors on trouve des éléments communs quand même, hein. On va retrouver ceux qui revendiquent en général déjà. S'il y a une revendication, c'est qu'il y a une revendication... contre une autre identité professionnelle. Donc en général, ce qu'il va y avoir en commun, c'est on se dit paysan pour ne pas se dire exploitant ou ne pas se dire agriculteur agricultrice. Et puis après, c'est vrai qu'il y a quand même un désir justement de mettre en avant un rapport particulier avec la terre, avec la nature, avec l'environnement. Il y a un désir aussi de dire peut-être que l'agriculture, oui, c'est certes un métier, c'est une profession, mais ça va au-delà de ça. C'est aussi un mode de vie, une façon de vivre, de s'insérer dans un territoire. Et puis souvent, et je crois que c'était un des agriculteurs que vous avez interrogé le dit, il y a aussi une revendication autour de l'autonomie aujourd'hui. Oui, oui. Il y en a un qui fait un rapport à l'autonomie, c'est un des principaux trucs qui l'intéresse dans l'agriculture et dans le terme paysan. Oui, tout à fait. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve autour de quand on écoute les personnes qui se disent paysans et paysannes, ils vont essayer de parler vraiment d'un désir d'autonomie de leur système d'exploitation. Alors, autonomie du système d'exploitation et aussi autonomie par rapport aux différents marchés. Donc, avec un désir, par exemple, de s'extraire un peu des chaînes longues de production, de diversifier ses modes de commercialisation pour gagner en indépendance. Donc, on peut avoir l'ensemble de ces éléments qui peuvent exister. D'accord, merci beaucoup. Et à votre avis, pourquoi peut-on dire que le terme paysan met en lumière des enjeux politiques ? En fait, il met en jeu des enjeux politiques parce que finalement, il parle de vision de l'agriculture et de ce que devrait être l'agriculture. Donc c'est aussi un moyen de revendiquer des façons de produire, donc des pratiques agricoles. Et ces pratiques agricoles, après, elles peuvent être plus ou moins encouragées par les politiques publiques. Donc c'est aussi un moyen de revendiquer ces termes-là. C'est un moyen de mettre dans la sphère publique des enjeux autour des questions justement d'autonomie de la profession agricole par rapport à des chaînes de production plus longues, des chaînes de commercialisation plus longues. C'est une façon aussi de mettre en avant les questions environnementales. C'est des façons de mettre en avant des façons de pratiquer le métier et de mettre en avant alors vous l'avez mentionné, des petites structures d'exploitation qui pourraient éventuellement être soutenues. Donc, si vous voulez, c'est une façon en fait d'amener dans le débat public des enjeux de l'agriculture et pour essayer donc de faire entendre ces arguments pour que, par exemple, les pouvoirs publics s'en saisissent et encouragent tel ou tel système agricole. Pour terminer, on a une petite dernière question. Comment le terme paysan est perçu dans la société, selon vous ? Encore une fois, c'est ce que vous avez montré, ça reflète bien la vision du terme paysan dans la société. En fait, c'est un terme qui est porteur de valeurs un peu différentes, c'est-à-dire qu'à la fois on retrouve dans la société un terme avec des connotations très positives, avec les paysans, c'est le travail de la terre, c'est toutes les valeurs nobles autour du travail de cette terre, des gens qui s'investissent, c'est un peu comme si c'était les valeurs traditionnelles auxquelles on se rattache, mais à la fois ça peut être aussi vu encore aujourd'hui comme des valeurs un peu négatives et péjoratives, ça peut être aussi vu là en opposition avec la modernité, donc ça peut être aussi il peut y avoir une notion de passéisme qui peut être aussi rattachée à ce terme paysan. Donc voilà, c'est un terme qui est intéressant parce que c'est un terme qui est porteur de valeurs contradictoires. Et c'est intéressant aussi de voir que ça a toujours été le cas historiquement. C'est-à-dire que c'est pas nouveau. En fait, aujourd'hui, ce terme fait débat. Mais ce terme faisait déjà débat, par exemple, au 19e siècle, où on voyait déjà le paysan comme à la fois le travailleur ou la travailleuse courageuse et le travailleur courageux, mais également comme, vous l'avez dit, je crois que vous avez mentionné le terme cutéreux, par exemple. Donc, c'est des représentations qui existaient déjà. Donc, c'est vraiment un terme polysémique qui existe encore aujourd'hui, mais qui a toujours fait débat au sein de la société. Et pour rebondir là-dessus, est-ce que vous pensez que la façon dont est perçu le terme paysan, de façon positive ou négative, elle dépend du milieu de vie des personnes ? Par exemple, les personnes issues plus du monde rural ou du monde urbain ? C'est une bonne question et en fait, il faudrait peut-être peut-être émettre des hypothèses, mais je peux pas vous donner de réponse définitive par rapport à ça. En fait, c'est vrai qu'on pourrait penser que les personnes qui sont éloignées du monde rural pourraient avoir une vision un peu plus négative, par exemple, du terme paysan. Après, j'en suis pas complètement sûr, parce que je me dis que des gens d'origine urbaine, même qui ne sont pas en contact avec le monde agricole, peuvent avoir aussi une représentation très idyllique du monde paysan. Et puis, dans le même temps, des gens qui viennent de milieu rural, on pourrait a priori se dire qu'ils ont une vision peut-être positive du terme paysan, mais peut-être que pour eux aussi, le terme paysan est associé à un côté passéiste avec justement des personnes qui sont pas dans la modernité. Donc, il est possible qu'ils rejettent ce terme-là. Donc, voilà, j'ai pas de réponse très claire ni très simple par rapport à ça. Je pense que ça peut être l'occasion de travaux de recherche intéressants. Et on vous remercie amplement, monsieur, pour ces échanges et le partage de vos connaissances. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, on espère, à travers ce podcast, vous avoir sensibilisé sur le monde agricole, son histoire et les acteurs qui le composent. Et on espère aussi avoir aiguillé votre curiosité envers ce domaine. On vous remercie pour avoir partagé ce moment avec nous. Et on remercie tout particulièrement donc, la Radio Campus FM, la Région Occitanie, l'École d'ingénieurs de Purpan et notre intervenant, monsieur Hannes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.